السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Nous adressons les louanges à Allah et nous lui demandons de couvrir des loges son serviteur et messager, notre prophète Mohammed, ainsi que sa famille et l'ensemble de ses compagnons. أما بعد فنواصل مستعينين بالله تبارك وتعالى هذه القراءة في شرح فضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى لرسالة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى المسمى بستة مواضع من السيرة. وقرأ ما شاء الله قرأنا البارحة المقدمة وتعليقات الشيخ عليها، وبدأنا في قراءة الموضع الثاني المتعلق بمسألة مهمة، وهي مسألة إظهار الدين المستفادة من هذا الموضع المهم من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. On a entamé hier la lecture du commentaire fait par le cheikh Salih Al-Fawzan dans le livret écrit par le cheikh de l'islam Mohammed ibn Abd al-Wahhab rahimahullahu ta'ala, intitulé « Six événements de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam ». Nous avions achevé la lecture de l'introduction et des annotations apportées par le commentateur hafidhahullah. Et nous avions également entamé la lecture du second événement qu'il a mentionné, ainsi que du commentaire qu'en a fait le cheikh Salih Al-Fawzan, hafidhahullah. Et nous continuons donc aujourd'hui en demandant l'aide d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Fa'allaqa al-sheikh Salih ala kalam المؤلف الإمام، فإذا فهمت هذا فهما جيدا عرفت أن كثيرا من الذين يدعون الدين لا يعرفونها، أي لا يعرفون هذه المسألة. قال الشيخ صالح: هذا صحيح، فإنك لو تسأل كثيرا من العلماء والمتعلمين عن هذه المسألة، مسألة الولاء والبراء، تجدهم لا يعرفونها، يقولون لا يلزم بغضهم، ديننا ما هو دين عداوة، ديننا دين مودة ودين مصالحة ودين كذا، يعتبرون هذا من مدح الدين، فمودة المشركين عندهم لا بأس بها، ويعتبرونها من المصالحة معهم، ونقول مصالحتهم على أمور السياسة لا مانع منها، لكن مصالحتهم على ترك بعض أمور الدين لا تجوز. Le noble cheikh Salih Al-Fawzan a dit en commentaire de la parole de l'auteur: lorsque tu auras correctement compris cela, c'est-à-dire ce qui a précédé et que nous avons eu l'occasion d'aborder hier, lorsque tu auras correctement compris cela, tu sauras qu'un grand nombre de ceux qui se réclament de la religion ne connaissent pas ce sujet. Le cheikh Salih de dire en commentaire, et cela est vrai. Si jamais tu en viens à questionner un certain nombre, un grand nombre de ulama ou d'étudiants à propos de cette question-là, c'est-à-dire la question de l'alliance et du désaveu. Car il faut savoir que le sujet que nous sommes en train d'étudier ensemble, à travers cet écrit, il est fortement lié à ce sujet général constituant un des fondements de cette religion, à savoir l'alliance et le désaveu. Le shir de dire, si tu le questionnes à propos de ce sujet-là, donc le sujet de l'alliance et du désaveu, tu les trouveras qu'ils ne la connaissent pas ou qu'ils ne connaissent pas ce sujet. Et tu trouveras qu'ils vont te dire qu'il n'est pas nécessaire de les détester, c'est-à-dire de détester les polythéistes, en prétendant que notre religion n'est pas une religion qui incite à l'aversion, et que notre religion est une religion d'amour et une religion qui incite à au bien vivre, si mes souvenirs sont bons, c'est comme ça qu'ils expriment cela, et que notre religion est ainsi ou que notre religion est ainsi. Et ils considèrent que le fait de qualifier la religion de la sorte revient à dire du bien de la religion. Et ils en viennent même à dire que le fait d'aimer, d'éprouver de l'amour pour les polythéistes, selon eux bien sûr, il n'y a pas de mal dans cela. Et ils considèrent que cela fait partie du savoir-vivre avec, nous disons, si ce qui est visé est relatif aux affaires politiques, alors il n'y a pas de mal dans cela. Dans le sens de Al-Musalaha, le fait qu'il y ait des pactes et des ententes et des accords avec les polythéistes qui sont d'ordre politique, il n'y a pas de mal dans cela, à condition bien sûr que ce soit régi par les règles de la religion. Et le jir de continuer en disant, cependant, si cela revient à délaisser certains aspects de la religion, alors ça devient quelque chose qui n'est pas permis. Donc le jir a bien fait la distinction entre ces deux choses-là, avec ce bref développement. ثم قال تعليقا على كلام المؤلف وإلا فما الذي حمل المسلمين على الصبر على ذلك العذاب والأسر والضرب والهجرة إلى الحبشة. قال ما سبب ما نال المسلمين في مكة؟ هل لأنهم مسلمون يصلون ويصومون؟ لا، بل لأنهم أبغضوا الكفار وعادوهم ونهوا عن الشرك بالله عز وجل، هذا هو السبب. وإلا لو أنهم صاموا، انتبه إلى هذا الأمر بارك الله فيك، وإلا لو أنهم صاموا وصلوا واشتغلوا بالذكر ولم يتعرضوا لأحد ما حصل لهم أذى بالضرب والحبس والأسر، ولا محتاجوا إلى الصبر لأن الصبر لا يكون إلا على شيء مكروه. والآن قارن بين كلام المؤلف وكلام الشارح وما تسمع من نداءات عند بعض الأفراد والجماعات التي تقول للمسلمين بأنهم ما داموا يتركون يشهدون في الظاهر بألسنتهم بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنهم لا يطردون من المساجد ويمكنون من أداء الصلاة فيها وما داموا يتمكنون من أداء الصيام و إيتاء الزكاة والحج فإنهم يسوغون للمسلمين أنهم قد أظهروا دينهم. وفي هذا الكلام المستفاد من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم أبلغوا رد على هؤلاء. وأعتقد أنكم أدركتم هذا الأمر Barakallahu fikum. L'auteur a dit, suite à cela, sinon qu'est-ce qui a amené les musulmans à faire preuve d'autant d'endurance face au châtiment que leur a réservé pour les théistes, au fait qu'il les a emprisonnés, au fait qu'il les ait tapés. Et qu'est-ce qui les a poussés à émigrer vers l'Abyssinie? Le commentateur de dire, quelle est la cause de ce qu'ont pu subir les musulmans à la Mecque, à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam? Est-ce que c'est à cause du fait qu'ils étaient musulmans, qu'ils priaient et qu'ils jeûnaient? Non. C'est plutôt à cause du fait qu'ils détestaient les mécréants et qu'ils les considéraient comme ennemis. Et qu'ils réprouvaient et condamnaient le fait d'associer à Allah tabaraka wa ta'ala. Qu'ils réprouvaient et qu'ils condamnaient le polythéisme. C'est ça la véritable cause. Par contre, s'ils s'étaient contentés de jeûner, s'ils s'étaient contentés de prier, et s'ils s'étaient contentés d'évoquer Allah et de se rappeler Allah, et qu'ils ne s'en seraient pris à personne, tous ces préjudices qu'ils ont subis, ils ne les auraient pas rencontrés, tels que le fait qu'ils se soient fait frapper, le fait qu'ils se soient fait emprisonner, et ainsi de suite. Et ils n'auraient pas eu besoin de faire preuve de tant d'endurance, étant donné que l'endurance, c'est quelque chose qui fait face à quelque chose que l'on réprouve, à quelque chose de préjudiciable. Dans ce passage-là, des propos de l'auteur, et dans ce passage-là, du commentaire du Cheikh Saleh, hafidhahullah, tu trouves une réplique claire et évidente à ce que certains individus parmi les contemporains et à ce que certains groupes se réclamant de l'islam veulent faire croire aux musulmans, notamment en Occident, en leur disant tant que vous avez la possibilité d'attester que nulle divinité ne mérite d'être adorée si ce n'est Allah, et que Mohammed est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et que lorsque vous vous présentez aux mosquées, on ne vous repousse pas et on vous laisse accomplir votre prière, tant que vous pouvez vous acquitter de votre zakat, tant que vous pouvez jeûner le mois de Ramadan, et tant que on ne vous empêche pas d'aller accomplir le pèlerinage, ils disent, sachez que vous avez mis en pratique ouvertement votre religion. Et à partir de là, ils en viennent à légitimer le fait de résider en terre impie, en terre de mécréance. Et dans le passage que nous venons de lire, tiré de cet événement, faisant partie de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons radiallahu anhum, on se rend compte que c'est là quelque chose de faux, c'est un discours faux. Car cette chose-là, les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam auraient pu se contenter de le faire. Et cela leur aurait évité de subir ce qu'ils ont subi comme préjudice. Mais en vérité, l'extériorisation véritable de la pratique de l'islam, le fait de mettre en pratique ouvertement la religion, ne se limite pas à ce que nous venons de mentionner. Mais également, ça comprend nécessairement le fait de pouvoir ouvertement proclamer la nullité de la religion, s'opposant à l'islam, et cela contient nécessairement le fait de pouvoir exposer cela clairement. Et si tel n'est pas le cas, alors il faut savoir que l'individu n'aura pas réellement mis en pratique ouvertement sa religion. وبعد ذلك قال المؤلف مع أنه صلى الله عليه وسلم أرحم الناس لو يجد لهم رخصة لأرخص لهم كيف وقد أنزل الله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. علق الشيخ صالح قائلا مع رحمته صلى الله عليه وسلم بأصحابه ما رخص لأصحابه بالتنازل عن شيء من الدين، ما رخص لهم في هذا مع أنه رؤوف رحيم عليه الصلاة والسلام، فلو وجد لهم رخصة في ترك إظهار الدين لرخص لهم، بل إن الله أنزل علي ومن الناس من يقول آمنا بالله. لكن إذا جاء الامتحان، إذا أوذي في الله، إذا أوذي بسبب قوله آمنت بالله وبسبب توحيده، فإنه يتراجع عن دينه، يجعل فتنة الناس كعذاب الله، يفر من أذية الناس في الدنيا إلى عذاب الله في الآخرة، مثل الذي استجار بالنار من الرمضاء. وإذا لم يصبر على أذى الناس كيف يصبر على النار يوم القيامة؟ يلزم العكس، أنه يفتدي أذى النار بتحمل أذى الناس والصبر على دينه، أما أنه يفتدي بدينه من أذى الناس وينسى النار التي أمامه، فهذا كالمستجير من الرمضاء بالنار، كما قال الشاعر: المستجير بعمر عند كربته كالمستجير من الرمضاء بالنار. Suite à cela, l'auteur a dit: tout cela, c'est-à-dire tout ce qui a précédé, comme mention des préjudices subis par les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le plus miséricordieux des gens. Et si jamais il avait trouvé la possibilité de leur permettre de ne pas faire ce qui a amené à tous ces préjudices, il leur aurait permis, c'est-à-dire à ses compagnons. Et comment alors qu'Allah a révélé le verset, dans la traduction approximative du sens, et parmi les gens, il en est qui disent, nous croyons en Allah, et lorsqu'ils subissent des préjudices pour la cause d'Allah, ils se mettent à considérer les épreuves provoquées par les gens au même niveau que le châtiment d'Allah. Le cheikh Saleh a dit en commentaire: malgré la miséricorde que le prophète sallallahu alayhi wa sallam éprouvait pour ses compagnons, il ne leur a pas permis de faire de concessions à propos de quoi que ce soit vis-à-vis de leur religion. Il ne leur a pas permis cela alors qu'il était compatissant et miséricordieux, que les éloges d'Allah et son salut soient sur lui. Si jamais il avait trouvé le moyen de leur permettre de délaisser la mise en pratique extérieure et le fait de mettre en pratique de manière ouverte la religion, il leur aurait permis. Puis le cheikh a dit: au contraire, Allah a révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam le verset, et parmi les gens, il en est qui disent nous croyons en Allah. Le verset que nous avons mentionné précédemment, ainsi que la traduction approximative de son sens. Le cheikh de dire en commentaire: cependant, ce genre de personnes, lorsque vient le moment de l'épreuve, lorsqu'il subit des préjudices pour la cause d'Allah, et lorsqu'il subit des préjudices à cause du fait qu'il dit j'ai foi en Allah, à cause du fait qu'il affirme l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala, tu trouves que ce genre de personne revient sur ses pas et délaisse sa religion, à cause du fait qu'il a considéré les épreuves causées par les gens au même niveau que le châtiment d'Allah, et c'est ainsi qu'il cherche à fuir les nuisances provoquées par les gens dans ce bas monde, et qu'en réalité il se dirige vers le châtiment d'Allah dans l'au-delà, et il se retrouve semblable à celui qui chercherait à se protéger de la chaleur en se rapprochant du feu. Le cheikh de continuer en disant, s'il n'arrive pas à endurer les préjudices causés par les gens, comment va-t-il endurer face à l'enfer le jour de la résurrection? Il lui incombe de se comporter de manière inverse, en cherchant à être épargné des préjudices du feu de l'enfer, en supportant les préjudices causés par les gens et en faisant preuve d'endurance dans sa religion. Par contre, le fait qu'il délaisse sa religion à cause des préjudices causés par les gens et qu'il oublie l'enfer qui est devant lui, alors à ce moment-là, ça revient à se comporter à la manière de celui qui chercherait à se protéger de la chaleur en se rapprochant du feu, comme l'a dit le poète, celui qui cherche à se protéger par Amr lorsqu'il est touché par une calamité est similaire à celui qui cherche à se protéger de la chaleur en se rapprochant du feu. Et vous m'excuserez la traduction qui a fait perdre à ce vers de poésie tout son aspect poétique. ثم قال الماتن إذا كانت هذه الآية في من وافقهم بلسانه فكيف بغير ذلك؟ علق فضيلة الشيخ صالح بقوله إذا كان هذا الوعيد في حق من وافق الكفار بلسانه من غير إكراه ليعيش معهم فكيف بمن وافقهم بفعله من أجل مصالحه الدنيوية؟ Enfin, l'auteur a dit, si jamais ce verset et le blâme qu'il contient vise celui qui en vient à laisser apparaître aux mécréants qu'il est en accord avec eux uniquement avec sa langue, alors qu'en est-il de celui qui va aller plus loin que cela? Le noble cheikh Saleh a dit en commentaire ici que si jamais cette menace, elle pèse sur celui qui en viendra à laisser apparaître qu'il est en accord avec les mécréants uniquement avec sa langue, alors qu'il n'est pas contraint à le faire, et afin qu'il puisse vivre en paix avec eux, qu'en est-il de celui qui va venir à être en accord avec eux de par ses agissements et de par ses actes à cause de ses intérêts terrestres liés à ce bas monde? À plus forte raison, il sera visé par la menace, qu'Allah nous en préserve. Donc ici, pour résumer et récapituler ce qu'on a vu hier également, on a pu retenir des propos de l'auteur et du commentaire du cheikh Saleh plusieurs points relatifs à la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et relatifs à ce sujet très important appelé le sujet de Idhar al-Din, la mise en application, la mise en pratique ouverte de la religion, l'extériorisation de la pratique de la religion. Sachant que, comme nous l'avons vu, ce sujet est basé ou est fortement lié au principe fondamental de l'alliance et du désaveu. Et on a pu donc se rendre compte de la réalité de cette chose-là. Et que ce n'est pas, comme certains peuvent le prétendre, le simple fait de pouvoir prier, jeûner, s'acquitter de la zakat, accomplir le pèlerinage. Mais cela va plus loin. Car la mise en pratique ouverte de la religion, ça signifie avoir la possibilité de mettre en application la religion et de pouvoir également s'opposer ouvertement à tout ce qui vient contredire cette voie-là. Et de pouvoir afficher ouvertement ce sentiment de détestation et d'aversion que l'on a vis-à-vis de tout ce qui s'oppose à cette religion. Et hier, nous avons eu l'occasion d'aborder un point très important, Naam, et qui nous a permis de faire la distinction ensemble entre le fait d'éprouver de l'aversion, de la détestation, Naam, et le fait d'outrepasser les limites et de tomber dans l'exagération et l'injustice. Et nous avons eu l'occasion, barakallahu fikum, d'aborder la distinction à faire entre les mécréants qui sont pacifistes et ceux qui sont hostiles à la religion. Nous avons dit qu'il n'y a pas de distinction à faire entre ces deux catégories quant au fait qu'il faille les détester. Et nous avons appris à partir de ce que nous avons lu que la cause de cela, c'est qu'ils s'opposent à Allah et à son messager sallallahu alayhi wa sallam. Cependant, il y a une distinction très importante à faire entre ces deux catégories de mécréants, ceux qui sont pacifistes et ceux qui sont hostiles, dans la manière de se comporter avec eux. Ceux qui sont pacifistes, nous avons vu qu'avec eux, nous allons être avenants et que nous allons faire en sorte de faire preuve de douceur afin de les appeler à la vérité. Quant aux autres, du fait de leur hostilité et de l'aversion qu'ils laissent apparaître pour la religion, alors à ce moment-là, nous allons faire preuve de fermeté vis-à-vis d'eux et nous ne serons pas avenants. Et nous avions vu que cette distinction est présente dans le livre d'Allah, Tabaraka wa Ta'ala, et je vous renvoie vers la sourate Al-Mumtahana, numéro 60, dans laquelle Allah Tabaraka wa Ta'ala dit: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. Allah ne vous défend pas d'être bienfaisant et équitable envers ceux qui ne vous ont pas combattu pour la religion et ne vous ont pas chassé de vos demeures, car Allah aime les équitables. Allah vous défend seulement de prendre pour alliés ceux qui vous ont combattu pour la religion, chassé de vos demeures et ont aidé à votre expulsion, et ceux qui les prennent pour alliés sont les injustes. Une distinction donc importante à faire et que nous devons impérativement connaître et assimilé, barakallahu fikum. Wa amma al-mawdi' al-akhar min al-mawadi' allati ikhtaraha al-mu'allif fi hadhihi ar-risala an-nafisa fa huwa al-mawdi' al-khamis. قال فيه المؤلف قصة الهجرة وفيها من الفوائد والعبر ما لا يعرفه أكثر من قرأها ولكن مرادنا الآن مسألة من مسائلها وهي أن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يهاجر من غير شك في الدين وتزيين لدين المشركين ولكن محبة للأهل والمال والوطن فلما خرجوا إلى بدر خرجوا مع المشركين كارهين فقتل بعضهم بالرمي والرامي لا يعرفه فلما سمع الصحابة أن من القتل فلانا وفلانا شق عليهم وقالوا قتلنا إخواننا فأنزل الله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم إلى قوله وكان الله غفورا رحيما. فمن تأمل قصتهم وتأمل قول الصحابة قتلنا إخواننا علم أنه لو بلغهم عنهم كلام في الدين أو كلام في تزيين دين المشركين لم يقولوا قتلنا إخواننا، إن الله تعالى قد بين لهم وهم بمكة قبل الهجرة أن ذلك كفر بعد الإيمان، بقوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وأبلغ من هذا ما تقدم من كلام الله تعالى فيهم، فإن الملائكة تقول فيما كنتم، ولم يقولوا كيف تصديقكم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، ولم يقولوا كذبتم، مثل ما يقول الله والملائكة للمجاهد الذي يقول جاهدت في سبيلك حتى قتلت، فيقول الله كذبت، وتقول الملائكة كذبت، بل قاتلت ليقال جريء، بل قاتلت ليقال جريء. وكذلك يقولون للعالم والمتصدق كذبت، بل تعلمت ليقال عالم، وتصدقت ليقال جواد. وأما هؤلاء فلم يكذبوهم، بل أجابوهم بقولهم، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. ويزيد ذلك إيضاحا للعارف والجاهل الآية التي بعدها، وهي قوله تعالى إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. فهذا أوضح جدا أن هؤلاء خرجوا من الوعيد، فلم يبقى شبهة. لكن لمن طلب العلم بخلاف من لم يطلبه، بل قال الله فيهم صم بكم عمي فهم لا يرجعون. ومن فهم هذا الموضع والذي قبله فهم كلام الحسن البصري، قال ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال. وذلك أن الله تعالى يقول إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. Le cinquième événement choisi par l'auteur dans son livret Six événements de la vie du prophète alayhi salatu wassalam est relatif au récit de l'émigration, qui contient de nombreux enseignements pour quiconque le lira, bien que bon nombre de ceux qui lisent la vie du prophète alayhi salatu wassalam ne connaissent pas ces différents enseignements. Cependant, ce que nous voulons aborder ici correspond à une question parmi les nombreuses questions qui y sont liées. Et elle concerne le fait que certains des compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'avaient pas émigré, c'est-à-dire de la Mecque jusqu'à Médine, sans pour autant éprouver le moindre doute quant à la religion, et sans pour autant en être arrivés à embellir la religion des polythéistes, mais plutôt à cause du fait qu'ils éprouvaient de l'amour pour leur famille, pour leurs biens et pour leur patrie. Puis, plus tard, lorsqu'ils se rendirent à la bataille de Badr, ils s'y rendirent contraints en compagnie des polythéistes. Et certains d'eux ont été tués et atteints par des flèches, sans que l'archer qui les avait atteints par sa flèche ne sache qui c'est qu'il avait atteint, et ne sache que la victime faisait partie des musulmans. Et c'est pour cela que lorsque les compagnons ont su que parmi ceux qui avaient été tués, il y avait un tel et un tel, cela fut lourd pour eux. Et ils ont même dit, nous avons tué nos frères. Puis Allah a révélé ceux dont les anges recueillent leurs âmes alors qu'ils étaient injustes envers eux-mêmes, jusqu'à sa parole, et Allah est pardonneur et très miséricordieux. Et quiconque en viendra à méditer, et on va avoir l'occasion de revenir sur ce verset, inshallah, dans son intégrité, ou dans son intégralité plutôt. Et quiconque médite ce récit-là, et analyse la parole des compagnons qui ont dit nous avons tué nos frères, saura que ses compagnons n'avaient pas connaissance que ces victimes-là auraient porté une quelconque critique sur la religion ou en seraient venus à embellir la religion des polythéistes. Car si tel était le cas, il n'aurait pas dit « Nous avons tué nos frères ». Car Allah tabaraka wa ta'ala avait clarifié avant cela, alors qu'ils étaient encore à la Mecque, avant même d'émigrer, que cela revient à mécroire après avoir eu la foi. Étant donné qu'Allah tabaraka wa ta'ala a dit « Quiconque mécroit en Allah après avoir eu foi en lui, sauf celui qui aura été contraint alors que son cœur est apaisé par la foi. » Et encore plus éloquent que ce fait-là, le fait que les anges leur ont dit « Où en étiez-vous ?» Et ils n'ont pas dit « Qu'en était-il de votre foi ?» Et ils ont répondu aux anges, « Nous étions impuissants sur terre. » Et à aucun moment il ne leur a été dit, « Vous mentez. » Comme cela a pu être dit par Allah tabaraka wa ta'ala et par ses anges à celui qui en est venu à lutter dans le sentier d'Allah tabaraka wa ta'ala et qui ensuite dit à Allah tabaraka wa ta'ala, « J'ai lutté pour ta cause jusqu'à être tué. » Et Allah tabaraka wa ta'ala lui dit « Tu as menti. » De même que les anges lui disent « Tu as menti. Tu as plutôt combattu afin qu'il soit dit que tu es quelqu'un de brave et courageux. » De même qu'ils disent aux savants et à celui qui faisait largesse de ses biens « Tu as menti. Mais tu as plutôt appris pour que l'on dise que tu es savant. » Et il sera dit à l'autre « Et tu as fait largesse de tes biens pour qu'il soit dit que tu es quelqu'un de généreux. » Quant à cela, ils n'ont pas été démentis, mais plutôt, les anges leur ont répondu, « La terre d'Allah n'était-elle pas assez vaste pour que vous puissiez y émigrer ?» Et parmi ceux qui ajoutent de la clarté dans ce sujet-là, pour le connaisseur et pour celui qui est ignorant, le verset qui fait suite, dans lequel Allah tabaraka wa ta'ala dit, « Hormis le cas des impuissants parmi les hommes, les femmes et les enfants qui ne trouvent aucune issue et qui n'arrivent pas à émigrer. » Et cela montre clairement qu'ils ne sont pas visés par la menace. Et il ne reste donc plus d'ambiguïté pour quiconque cherchera le savoir, contrairement à celui qui ne le recherche pas. Et à propos de qui Allah tabaraka wa ta'ala a dit, sourd, aveugle et muet, et c'est ainsi qu'ils ne reviennent pas. Et quiconque aura compris cet événement-là, c'est-à-dire le cinquième événement qu'il a mentionné ici, ainsi que celui qui a précédé, à savoir le quatrième, il comprendra les propos d'Al-Hassan al-Basri, qui a dit, la foi, ce n'est pas juste des prétentions ou des faux-semblants, mais c'est plutôt quelque chose qui vient s'installer dans les cœurs et qui ensuite est approuvé par les actes. En effet, Allah l'Exalté a dit, c'est vers lui que monte la bonne parole et l'œuvre pieuse la fait monter. Hada الموضع فيه شيء من الطول ونحاول أن نتناوله كله ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الشيخ صالح معلقا على الموطن الأول أو المقطع الأول: الهجرة في اللغة مأخوذة من الهجر وهو الترك. قال تعالى: والرجز فاهجر. Il a expliqué ici que الهجرة dans la langue arabe, c'est pris du terme « al-hajr » qui signifie le délaissement. Na'am, donc le hijra que l'on traduit par émigration, sachez que dans la langue arabe, ça vient du terme hajr, qui est synonyme de délaissement. À ce propos, Allah tabaraka wa ta'ala a dit, et de la souillure, écarte-toi. Et c'est donc le terme hajr qui a été utilisé ici. Ay utrukhu fal hajru huwa tark wa minhu hajru ahli al ma'asi wa hajru al mushrikin ya'ni tarkahum wa adama mahabbatihim qala sallallahu alayhi wa sallam al muhajir man hajara ma naha Allah anhu ay taraka ma naha Allah an. Donc le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala ait dit wa rujza fahjur, et de la souillure écarte-toi, ça signifie délaisse-la. Le terme hajr, il est donc synonyme de délaissement. Et à partir de là, on retrouve certains principes comme le fait de délaisser ce qui s'adonne à la désobéissance et le fait de délaisser les polythéistes. Le fait de les délaisser et de ne pas éprouver d'amour pour eux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'émigré, al-muhajir, c'est celui qui s'écarte et qui délaisse ce que Allah a réprouvé. » C'est-à-dire celui qui délaisse donc ces choses-là. « Amma al-hijratu fi shara' fa hiya l'intiqalu min baladi shirk ila baladi l'islam li ajli d-din. Hadihi hiya l'hijratu shara'iyya wal-hijratu fiha fadlun azim wa hiya adilatu l'iman wal-jihad fi sabilillah alladhina amanu wa hajaru wa jahadu. فَهَذَا مِمَّا يَدُلُّ عَلَىٰ عِظَمِ الْهِجْرَةِ. L'émigration dans son acception religieuse, c'est le fait de quitter une terre de polythéisme pour se diriger vers une terre d'islam, afin de mettre en pratique la religion. C'est là l'émigration qui est entendue religieusement parlant. Et il faut savoir que le fait d'émigrer dans ce cadre-là contient un grand mérite et est mentionné en compagnie de la foi et du fait de lutter pour la cause d'Allah. Notamment dans la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, dont la traduction approximative du sens est la suivante. Ceux qui ont la foi, qui ont émigré et qui ont lutté. Et cela met en évidence l'importance de cette émigration. والهجرة باقية إلى أن تقوم الساعة فالذي لا يقدر على إظهار دينه الآن يظهر لكم تعلق هذا الكلام بالكلام السابق في الموضع الثاني من مواضع هذه الرسالة لا يقدر على إظهار دينه في بلاد المشركين يجب عليه أن يهاجر إلى بلد يقدر فيه على إظهاره فإن لم يهاجر وهو يقدر على الهجرة فإن الله عز وجل أنزل فيه القرآن إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. هذا وعيد شديد مع أنهم مسلمون لكن لما تركوا الهجرة بعذر محبة الأموال والأولاد والوطن وقدموا محبة هذه الأشياء على الهجرة فالله جل وعلا توعدهم بهذا الوعيد. Il faut savoir que le fait d'émigrer est effectif jusqu'à ce que survienne l'heure du jour dernier. C'est ainsi que celui qui n'a pas la capacité de mettre en pratique ouvertement sa religion se doit obligatoirement de quitter les terres polythéistes afin de se diriger vers un pays dans lequel il aura la capacité de mettre en pratique ouvertement sa religion. Et si jamais il ne le fait pas alors qu'il a la possibilité de le faire, alors il faut savoir qu'Allah tabaraka wa ta'ala a révélé au sujet de ce genre de personnes. Des versets coraniques, dans la traduction approximative du sens, est la suivante. Ceux qui ont fait du tort à eux-mêmes, les anges enlèveront leurs âmes en disant « Où en étiez-vous ?» Nous étions impuissants sur terre, dira-t-il. Alors les anges diront « La terre d'Allah n'était-elle pas assez vaste pour vous permettre d'émigrer ?» Voilà bien ceux dont le refuge est l'enfer. Et quelle mauvaise destination. C'est donc là une lourde menace. Bien qu'il soit musulman, c'est une lourde menace, bien qu'il soit musulman, cependant, le fait qu'ils aient délaissé le fait d'émigrer avec pour excuse l'amour des biens, l'amour des enfants et l'amour de la patrie, et du fait qu'ils ont fait prévaloir l'amour qu'ils éprouvaient pour ces choses-là sur le fait d'émigrer, eh bien Allah Jalla wa Ala leur a annoncé cette menace. وسبب نزول الآية أنه لما كانت غزوة بدر كان مع المشركين أناس من المسلمين بقوا في مكة ولم يهاجروا شحا بوطنهم وبلادهم وأموالهم وأولادهم وهم يقدرون على الهجرة فلما خرج المشركون إلى بدر خرجوا بهم معهم بغير احتيارهم وألزموهم بالخروج معهم ثم لما دارت المعركة قتل أناس منهم وهم في صف الكفار ولم يعلم المسلمون بهم فلما علم المسلمون بهم ندموا وقالوا قتلنا إخواننا فأنزل الله هذه الآية إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم يعني ما الوطن الذي أنتم فيه أي وطن ما قالوا كيف حالكم في الإيمان أو ما يقينكم ما سألوهم عن هذا وإنما سألوهم عن المكان فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض يعني أجبرون على الخروج بسبب ضعفنا ولا نقدر أن نمتنع قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها كان لكم مندوحة عن هذا لو هاجرتم مثل ما هاجر إخوانكم لسلمتم من هذه الواقعة فأولئك مأواهم جهنم هذا وعيد وساءت مصيرا إلا المستضعفين الذين لا يقدرون على الهجرة وبقوا في بلاد الشرك لأنهم ما يقدرون على الهجرة إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. La cause de la révélation du verset que nous avons lu, c'est que lorsqu'eut lieu la bataille de Badr, il y avait en compagnie des polythéistes, des gens qui faisaient partie des musulmans et qui étaient restés à la Mecque et qui n'avaient pas émigré du fait de l'attachement qu'ils éprouvaient vis-à-vis de leur patrie, vis-à-vis de leur pays, vis-à-vis de leurs biens et vis-à-vis de leurs enfants, alors qu'ils avaient la capacité d'émigrer. Et lorsque les polythéistes se sont rendus à Badr, ils les ont pris avec eux sans leur laisser le choix. Et ils les ont obligés à sortir en leur compagnie. Puis lorsque la bataille eut lieu, certains de ces gens, c'est-à-dire parmi les musulmans, ont été tués. Alors qu'ils étaient dans les rangs des mécréants. Et les musulmans n'étaient pas au courant de cela. Et lorsque les musulmans l'ont appris, ils furent pris de regret. Et ils ont dit, nous avons tué nos frères. Et c'est à ce moment-là qu'Allah tabaraka wa ta'ala a révélé le verset, ceux qui ont fait du tort à eux-mêmes, les anges enlèveront leurs âmes en disant, où en étiez-vous? Où en étiez-vous? C'est-à-dire, dans quelle patrie étiez-vous? Quelle était cette patrie? Dans quelle contrée? Et il ne leur a pas été dit quel était votre état concernant la foi, où en étiez-vous concernant la certitude que vous aviez relative à la religion. Ce n'est pas cette question qui leur a été posée. Mais la question, elle est relative à l'endroit dans lequel ils se trouvaient. Où en étiez-vous ? Et la réponse, nous étions impuissants sur terre. Ils ont voulu dire par là, les polythéistes nous ont contraints à sortir en leur compagnie à cause de notre faiblesse et à cause du fait que nous n'avions pas le pouvoir de nous abstenir de sortir avec eux. Et c'est à ce moment-là qu'il leur a dit, la terre d'Allah n'était-elle pas assez vaste pour que vous puissiez y émigrer ? Dans le sens où vous aviez une alternative qui vous aurait dispensé d'être dans cet endroit-là, à savoir le fait d'émigrer. Si jamais vous aviez émigré comme ont émigré vos frères, eh bien vous auriez été épargné de ce qui vous est arrivé. Ceux-là sont ceux dont le refuge sera la Géhenne. Et c'est là une menace. Et quelle mauvaise destination. Exception faite de ceux qui sont réellement impuissants. Ceux qui sont réellement impuissants, ce sont ceux qui n'ont pas la capacité d'émigrer et qui restent en terre de polythéisme, étant donné qu'ils n'ont réellement pas la capacité d'émigrer. À leur sujet, Allah tabaraka wa ta'ala a dit, à l'exception des impuissants, hommes, femmes et enfants, incapables de se débrouiller et qui ne trouvent aucune voie, à cela il se peut qu'Allah donne le pardon, Allah est clément et pardonneur. Et quiconque émigre dans le sentier d'Allah trouvera sur terre main, refuge et abondance. Et quiconque sort de sa maison, émigrant vers Allah et son messager, et que la mort atteint, sa récompense incombe à Allah, et Allah est pardonneur et miséricordieux. ثم قال الشارح هذا في شأن هؤلاء وهذه قصة عجيبة وعظيمة أن هؤلاء مع إسلامهم وصدقهم في الإسلام لما تركوا الهجرة من غير عذر حصل عليهم هذا الوعيد وهذا التوبيخ من الملائكة لما جاءت تقبض أرواحهم فدل على أنه لا يجوز للموحد المسلم أن يتساهل بهذا الأمر وأن يكون مع المشركين ولو من غير محبة لهم لكن محبة لماله أو ولده أو بيته أو غير ذلك قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا يعني انتظروا حتى يأتي الله بأمره هذا وعيد شديد والله لا يهدي القوم الفاسقين فلا يجوز تقديم محبة الأموال والأولاد على طاعة الله سبحانه وتعالى وعلى الهجرة والجهاد في سبيل الله والكثير من الناس يقرؤون هذه الآية ولا يتدبرونها. Le cheikh de continuer en disant cela concerne ce genre d'individus et c'est là un récit qui est autant surprenant que grandiose, à savoir le fait que ces gens-là, malgré leur islam et malgré leur véracité, et la véracité de leur adhésion à l'islam, à partir du moment qu'ils ont délaissé le fait d'émigrer sans excuse, ils ont encouru cette menace et ces reproches que leur ont adressés les anges lorsque ils sont venus se saisir de leurs âmes. Et cela nous montre clairement qu'il n'est pas permis aux monothéistes musulmans de négliger ce sujet-là et de rester en compagnie des polythéistes, même s'ils n'éprouvent pas d'amour pour eux, même si ce qui motive le fait qu'ils restent avec eux, c'est le fait qu'il éprouve de l'amour pour ses biens, ou pour ses enfants, ou pour sa maison, ou autre. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans la sourate At-Tawbah, dans le verset numéro 24, la traduction approximative du sens de sa parole, dit: si vos pères, vos enfants, vos frères, vos épouses, vos clans, les biens que vous gagnez, le négoce dont vous craignez le déclin, et les demeures qui vous sont agréables, vous sont plus chers qu'Allah, son messager, et la lutte dans le sentier d'Allah, alors attendez qu'Allah fasse venir son ordre, et Allah ne guide pas les gens pervers. C'est donc là une lourde menace qui pèse sur quiconque en viendrait à négliger cette obligation-là. Il n'est donc pas permis de faire prévaloir l'amour qui peut être éprouvé vis-à-vis des biens et des enfants sur l'obéissance à Allah tabaraka wa ta'ala et sur le fait d'émigrer et de lutter pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et de nombreuses gens viennent à lire ce verset sans pour autant le méditer. ثم علق على المقطع الثاني قائلا: الصحابة ما قالوا إخواننا إلا لأنهم مستقيمون على الدين، ما ذكر عنهم أنهم مالوا مع المشركين أو مدحوا المشركين، بل يبغضون دين المشركين، وكانوا على التوحيد، وكانوا مخلصين لله، وليس فيهم نفاق، لكن تركوا شيئا واحدا وهو الهجرة من غير عذر، فلاماهم الله على ذلك. Le shir a continué en disant: les compagnons, ils n'ont pas dit à propos de ces gens-là qu'ils étaient leurs frères, si ce n'est du fait que ces derniers faisaient preuve de droiture dans leur religion et qu'ils n'avaient pas été rapportés d'eux qu'ils auraient penché vers les polythéistes ou qu'ils auraient fait les éloges des polythéistes. Mais il était plutôt avéré et établi que ces gens-là éprouvaient de l'aversion vis-à-vis de la religion des polythéistes et qu'ils étaient cramponnés au tawhid, l'affirmation de l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala, et qu'ils étaient sincères vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'ils n'étaient pas touchés par l'hypocrisie. Cependant, du fait qu'ils ont délaissé une seule chose qui n'est autre que le fait d'émigrer sans excuse, leur a valu le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala leur a adressé ses reproches de ce fait. ثم قال: فالملائكة ما سألوهم عن إيمانهم وعقيدتهم لأنهم يعرفون أنهم على عقيدة صحيحة وعلى إيمان صادق، لكن سألوهم عن المكان الذي هم فيه، حيث لا يجوز لهم أن يبقوا فيه وهم يقدرون على الهجرة منه. Quant aux anges, ils ne les ont pas questionnés à propos de leur foi, ni de la validité de leur dogme, étant donné qu'ils savaient qu'ils étaient dotés d'une croyance authentique et que leur foi était véridique. Mais ils les ont plutôt questionnés à propos de l'endroit dans lequel ils se trouvaient, étant donné qu'il ne leur était pas permis de rester dans l'endroit dans lequel ils étaient, étant donné qu'ils avaient la capacité d'en émigrer et de s'exiler vers des terres d'islam. الملائكة لم تقل كذبتم، هذا أمر آخر مررنا به في أثناء قراءة المتن. الملائكة لم تقل كذبتم لستم مسلمين ولستم مؤمنين بل قالوا فيما كنتم سألوهم عن المكان الذي هم موجودون فيه موجودون حيث خرجوا مع المشركين ولو كانوا مكرهين لأنهم هم السبب في تسلط الكفار عليهم ولا يجوز موافقتهم والخروج معهم حبا للمال وللأهل ومداراة لكي يبقوا على أموالهم. Également, on peut constater dans ce récit que les anges n'ont pas dit à ces gens-là, vous mentez, lorsqu'ils ont dit ce qu'ils ont dit. Comme nous l'avons vu précédemment, durant la lecture du texte de l'auteur, ils n'ont pas dit donc à ces gens-là, vous mentez, vous n'êtes pas musulmans, vous n'êtes pas croyants, mais ils ont plutôt dit, où en étiez-vous ? Ils les ont questionnés à propos de l'endroit dans lequel ils se trouvaient, étant donné qu'ils étaient sortis en compagnie des polythéistes, bien que, dans cela, ils étaient contraints. Mais le fait est qu'ils étaient les responsables du fait d'avoir été contraints. Du fait qu'ils étaient restés en leur compagnie par attachement à leurs biens et à leurs proches. Et qu'ils avaient fait preuve ici de négligence afin de pouvoir préserver leurs biens. Et c'est donc ici la cause qui a mené ces reproches. Ici donc le cheikh il explique que ces musulmans, ils sont sortis vers la bataille de Badr, ils se sont rendus à la bataille de Badr en compagnie des polythéistes. Et qu'ils étaient contraints dans cela. La contrainte à la base, c'est une excuse. Mais le fait est qu'ici, ce sont eux qui se sont mis dans cette situation du fait qu'ils n'ont pas immigré et qu'ils n'ont pas délaissé cette terre impie. Et c'est donc pour cela qu'ils se sont vus adresser les reproches que vous avez entendus. ثم قال الشارح يعني تعليقا على المقطع الذي قال فيه المؤلف أما هؤلاء فلم يكذبوهم بل أجابوهم بقولهم قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها ويزيد ذلك إيضاحا للعارف والجاهل الآية التي بعدها وهي قوله تعالى إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا قال الشارح تعليقا على هذا المقطع يعني لا يعذر إلا من ترك الهجرة عاجزا عنها فإنه معذور قال تعالى إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا إليه فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم هذا وعد من الله بالعفو عنهم. نواصل باقي شويه ان شاء الله باقي شويه شويه ساعه لا باقي ان شاء الله 10 دقائق يلا زيد ان شاء الله زيد ان شاء الله والله الموفق نعم صح صح نريحكم ان شاء الله بعد قليل باذن الله لونا شيخ كمل الشيخ عبد الرحمن يقول اني نكمل نكمل نعم اذن يقول ويعني يعني لا يعذر الا من ترك الهجره عاجزا عنها فانه معذور قال تعالى الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيله الخروج ولا يهتدون سبيلا إليه فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم هذا وعد من الله بالعفو عنهم. Suite à cela, et concernant le passage dans lequel l'auteur a dit, quant à cela, les anges ne les ont pas démentis, mais ils leur ont plutôt dit, la terre d'Allah n'était-elle pas assez vaste afin que vous puissiez y émigrer? Et parmi ce qui vient clarifier encore plus cela, aussi bien pour le connaisseur que pour l'ignorant, le verset qui fait suite, qui correspond à la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, dont la traduction approximative du sens est la suivante, exception faite des impuissants parmi les hommes, les femmes et les enfants, qui n'arrivent pas à se débrouiller et qui ne trouvent aucune issue. Le Cheikh a dit ici, c'est-à-dire que seul est excusé du fait de ne pas avoir émigré celui qui n'a réellement pas la capacité de le faire. À ce moment-là, il est excusé. Étant donné qu'Allah tabaraka wa ta'ala a dit, exception faite de ceux qui sont impuissants parmi les hommes, les femmes et les enfants qui n'arrivent pas à se débrouiller. Ils n'arrivent pas à se débrouiller pour sortir. Et qui n'arrivent à trouver aucune issue afin de pouvoir quitter ce genre de terre-là. À cela, il se peut qu'Allah accorde son pardon. Et c'est là une promesse venant d'Allah quant au fait de leur accorder le pardon. ثم قال المؤلف فهذا أوضح جدا أن هؤلاء خرجوا من الوعيد فلم يبقى شبهة لكن لمن طلب العلم بخلاف من لم يطلبه بل قال الله فيهم صم بكم عمي فهم لا يرجعون. قال الشارح معلقا نعم اختلاط المسلمين مع الكفار من غير عذر أمر لا يجوز بل لا بد أن تتميز بلاد المسلمين عن بلاد الكفار ولا يخالط المسلم المشرك بل قال صلى الله عليه وسلم لا تتراها ناروهما ناراهما أي يبعد عنه مهما أمكنه ذلك. Concernant le passage dans lequel l'auteur a dit, et cela a énormément clarifié le fait que ce genre de personnes-là ne sont pas concernées par la menace, à savoir ceux qui sont impuissants. Il ne reste donc pas d'ambiguïté, bien sûr pour celui qui cherchera le savoir, contrairement à celui qui ne cherche pas la science, et à propos de qui Allah tabaraka wa ta'ala a dit, sourds, muets, aveugles, ils ne reviennent donc pas. Le Cheikh Saleh a dit, effectivement, le fait que les musulmans se mélangent aux mécréants sans excuse est une chose qui n'est pas permise. Il est plutôt impératif que se distinguent les pays des musulmans des pays des mécréants et que le musulman ne se mélange pas aux polythéistes. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que leurs deux feux ne se croisent pas. La traduction approximative de la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Na'am, dans le sens où le musulman se doit de s'éloigner autant qu'il le peut du polythéiste. ثم قال المؤلف ومن فهم هذا الموضع والذي قبله فهم كلام الحسن البصري قال ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال. فالإيمان هو ما صدقته الأعمال ومنها الهجرة لأنها من الأعمال وهذا فيه رد على المرجئة الذين يقولون إنه يكفي الإيمان بالقلب أو بالقلب واللسان فلا يكفي الاعتقاد والنطق بل لا بد من العمل. L'auteur a dit, celui qui aura compris cet événement-là de la vie du prophète عليه الصلاة والسلام ainsi que celui qui a précédé aura compris la parole d'Al-Hassan al-Basri qui a dit que la foi, ce n'est pas juste des prétentions et des faux-semblants, mais c'est plutôt quelque chose qui vient s'installer dans le cœur et qui est approuvé par les actes. Le commentateur a dit, il faut savoir que la foi, c'est ce qui est approuvé par les actes, et il fait partie de ces actes-là, le fait d'émigrer, étant donné que cela relève des actions à accomplir. Et on trouve dans ce passage-là une réplique aux Mourdi'a qui disent qu'il est suffisant pour avoir la foi d'adhérer avec le cœur ou avec le cœur et la langue, alors qu'en vérité il ne suffit pas d'avoir la conviction et de prononcer, mais il est également impératif de se présenter avec des actions. وأخيرا قال المؤلف وذلك أن الله تعالى يقول إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه قوله إليه أي إلى الله سبحانه وتعالى يصعد الكلم الطيب من الذكر وقراءة القرآن والتسبيح والتهليل وكل كلام طيب فإنه يصعد إلى الله جل وعلا والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم العلم النافع كل هذا من الكلم الطيب والكلام الطيب مع الناس ومع الأقارب وقولوا للناس حسنا وقل لهما قولا كريما كل هذا من الكلم الطيب يسعد إلى الله لكن لا يسعد بنفسه انتبه لهذا بل لا بد من العمل والعمل الصالح يرفعه وفي هذا رد على المرجئة أيضا. Enfin, et pour terminer, l'auteur a dit, et cela, nous le retrouvons dans le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala ait dit, c'est vers lui que monte la bonne parole et l'œuvre pieuse l'a fait monter. En commentaire, le shaykh Salih al-Fawzan a dit, vers lui, c'est-à-dire vers Allah, subhanahu wa ta'ala, monte la bonne parole. La bonne parole, ça désigne l'évocation d'Allah, la lecture et la récitation du Coran, le fait de proclamer la pureté d'Allah, de le glorifier, d'affirmer son unicité dans son adoration. Et de manière générale, toute bonne parole monte vers Allah, Jalla wa Ala. De même que le fait d'ordonner le convenable, de condamner le blâmable, d'enseigner la science utile. Tout cela fait partie de la bonne parole, de même que la bonne parole que l'on adresse aux gens et aux proches. Allah tabaraka wa ta'ala a dit, et dites aux gens de bonnes paroles. Et il a également dit à propos des parents, et dis-leur une noble parole. Et tout cela fait partie de ce qui est visé par Al-Kalim al-Tayyib, la bonne parole, qui monte vers Allah. Cependant, elle ne monte pas toute seule. Il faut plutôt impérativement qu'elle soit accompagnée d'une œuvre. Il faut impérativement qu'il y ait une œuvre. En effet, Allah a dit à la suite de cela, et l'œuvre pieuse l'a fait monter. Et l'on retrouve dans cela une réplique claire au Murji'a, comme nous l'avons vu précédemment, et on va s'en tenir à cela. Wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين لكم الله خيرا. بارك الله فيك أحسن الله إليك يا محمد. Ça, ça.